Aujourd'hui j'ai programmé de partir en soirée avec trois potes à moi que j'ai souvent l'habitude de côtoyer. C'est le jour J, faut que je me sape comme un gentleman. Pour nous l'entrée VIP avec bouteille offerte. On a tout ce qu'il faut pour s'envoyer en l'air. On a tout ce qu'il faut pour plaire aux gazières. Je dois me presser, ils vont m'appeler, ils vont pas tarder. C'est bon, je suis prêt, c'est bon, je crois que ça le fait. Ça y est, ils viennent tout juste de me klaxonner. Je prends mes lunettes pour avoir plus de tchatch. Je rappelle qu'en bas, je les aperçois en OGS3. Je monte sans attendre, c'est bon, on y va. Je raconte ce que j'ai fait durant ma journée. Complimenté sur mes vêtements, j'ai mis de la tête aux pieds. Arrivé au feu rouge, on croise une caisse pleine de filles. On cherche à négocier, elles sont toutes prises. Au feu vert, on les lâche sur la route. J'enroule un prêt dans ma peau. D'après Sosa, dans laquelle je prends trop de place. Sur du Mob Jeep 112, pour être plus chaud de l'ambiance. On se tape des fous rires sur les filles qu'on vient de croiser. Au pharaon, t'inquiète pas, on sera les désirés. Je t'avertis, ce soir, ça finit à l'hôtel. On a pris un peu de retard, vas-y, case, envoie les gaz. Sur une route à double sens, je regarde mon montre, ça fait 20 minutes que la soirée a commencé. À diète, la pression monte, je suis impatient de rentrer. Toujours dans cette route à double sens, une voiture devant nous ralentit. Nous on décide de la doubler, mais un camion nous vient de face. Quelle est cette douce voix qui m'appelle? Est-ce la voix d'un ange qui vient m'annoncer que je suis mort? M'annoncer le paradis ou l'enfer où finira mon sort? J'ai peur. Réveille-toi, réveille-toi, je t'en supplie, fais un effort. Mais cette voix est celle de ma mère, c'est ça. Je crois que j'ai survécu à l'accident. Je me sens rassuré, car c'est bien elle que j'entends. Je la reconnais, ça fait si longtemps. J'essaie d'ouvrir lentement mes yeux pour la voir. Je perçois des contours, mais tout est flou et noir. La lumière me fait mal, elle semble forte et me brûle les yeux. Un mot qu'il faut au moins que je lui dise, mais aucun son de ma voix ne sort. Je voulais lui dire maman, je voulais lui dire que je l'aime. Lui demander si tous mes potes ont survécu. Mais plus rien n'est possible par cet accident tragique. M'a rendu aveugle, muet, tétraplégique. C'était écrit destin dramatique. Mais voir son fils vivant l'a fait pleurer de joie. Pendant des mois durant mon coma, elle reste près de moi comme un ange gardien. Elle s'est battue sans relâche, elle y a toujours cru. Désormais seule, clouée dans mon lit, les jours passent moins vite. Les nuits sont longues, paralysées, dans ma tête tout s'agite. Je me languis qu'une chose, c'est que ma mère vienne me rendre visite. Et puis un jour comme d'hab, elle prend ma main et la serre fort. Et là je me dis que cette fois, je dois à tout prix faire des efforts pour qu'elle soit fière de moi. Et comme par miracle, je fais pression sur sa main avec mon pouce droit. Et c'est comme ça qu'après plusieurs mois, on a trouvé un moyen de communiquer. Le truc c'était de me prendre la main, de me réciter lentement une à une les lettres de l'alphabet. Avec mon pouce j'appuyais quand la bonne lettre venait. Je me souviens des premiers mots que j'ai épelés. M A N A N. Mon Dieu, tu parles. Ça y est, mon chéri, on a réussi. Docteur, docteur, venez vite, venez voir. On a réussi, mon enfant reparle. Calmez-vous, détendez-vous, madame. Vous dites que votre enfant reparle, mais c'est impossible. Je vous le jure, docteur, venez voir. Il s'est remis à parler, c'est incroyable. Écoutez-moi, je sais que c'est très très dur à entendre. Je vais être très très dur avec vous en vous disant la vérité. Votre fils ne sera plus comme avant. Il ne bougera plus, il ne parlera plus. Il est condamné. La porte entrouverte, des voix murmurent que pour m'en sortir rien n'est sûr, voire même impossible. Destin dramatique, on est, on vit, on meurt. Découragé par tant d'efforts, ce brin d'espoir s'enterre. Destin dramatique, corps médical, infirmière essaie de faire de leur mieux pour me remonter le moral. Au point où je suis, même les mots du maire ne suffisent pas pour apaiser tout mon mal. La situation devient chaotique, le poids de ma souffrance pèse lourd. Pèse lourd pour l'entourage, pèse lourd comme un barrage. Au droit de vivre d'une mère qui s'est consacrée jour et nuit au handicap de son fils. Un handicap qu'a fait de moi un homme, dépendant des autres, ayant toujours besoin de voir mes potes, dépendant des autres. J'ai perdu le goût de vivre tout en perdant mes proches, tout en perdant mes membres. Cloué 24 heures sur 24 sur un lit d'hôpital. D'une simple soirée banale, la vie peut être brutale. Je me sens comme incarcéré, considéré comme inactif. Autour de moi plus rien de positif. Quitter ce monde prématurément serait plus réaliste. Une décision est prise, dès la prochaine visite de ma mère, je lui ferai part de mon sentiment, quitter ce monde. Rejoindre là-haut tous mes proches déchus, rejoindre là-haut tous mes proches perdus. L'issue est fatale, destin dramatique, la vie se montre brutale. Tellement de peine dans les yeux d'une mère est insupportable. Au final, un cœur cessera de battre et leur peine de s'accroître.